Allô les mounes! En manque de podcast queer, écoutez Plume dans le cul avec Charlie Morin et Lady Guidoun. Plume dans le cul, c'est votre magazine culturel en matière de fabulosité. Avec nos invités, on choisit des sujets beige et drap, souvent associés à l'hétérosexualité. Non, ouais. Et on décide de les replumer. Plume dans le cul, ça s'écrit plume au pluriel dans LQ. Et ça va être disponible sur Patreon et sur toutes les plateformes Pot les volailles!